Moi, je suis en postdoc à l'Université catholique de Valparaiso. C'est au Chili, après un passage au Mexique, et ensuite je vais continuer avec un autre postdoc à São Paulo. Donc, dû à l'absence de poste et à la difficulté d'obtenir un poste, d'autres connaissent ça ici, notamment quand on fait de la théorie critique. Pour l'instant, mon destin, c'est plutôt l'itinéraire d'un intellectuel nomade, comme le disait Traverso à propos des Cracovères. Ce qui a aussi ses avantages. Et voilà. Par contre, on est trois ce matin ou on est deux seulement? Il y avait aussi Gérard Abramovitch. Alors, il m'a envoyé un petit message pendant que je parlais. Cher Patrick, je suis encore cloué au lit. Ça me semble difficile de te promettre d'arriver à passer. Ça me ferait pourtant du bien. Sinon, bonne journée et bons travaux. Voilà. C'était Gérard Rabinovitch. Ah, d'accord. Bon, c'est pour savoir, parce que j'ai chronométré mon intervention à 33 minutes, exactement pour ne pas dépasser. Oui, mais du coup, je j'ai pense coupé que les j'ai choses. pris un peu de la part de Gérard. Déjà. Ah, d'accord. Donc, je peux rajouter les parts coupées, mais peut-être pas toutes. Bon, je vais essayer d'aller. Il y a Gérard aussi, oui, il y a oui, non, Gérard. bien sûr, on est deux, Et quoi. puis, et Donc, puis si on a un petit peu de temps, non, on pourra il faut évidemment du temps pour discuter. Oui, c'est ça, échanger. D'accord. Alors, je vais respecter le. On sait, mais pas là, Ah, mais ça, c'est la famille, on sait. Oui, mais du coup, ça. Non, je vais Sinon, rester sur mon. Sois détendu avant de t'écouter, qu'on puisse t'écouter vraiment sereinement. On s'arrêtera à midi. Ouais. Un petit peu avant midi, Oui, non, mais c'est tu bon. disais, pour qu'on puisse être à midi, au début du service, au restaurant qui est situé à côté. Si on est à midi 15, ça t'a, mais c'est tout près. Dans ce qu'ils souhaitent, on pourra jouer ensemble dans ce restaurant. Maintenant, on est serein. D'accord. Bon, merci. Alors, je voulais commencer par remercier Michel Barthélémy, que vous ne connaissez pas, et Patrick Vassor, et aussi tous les membres du collectif Illusio, et notamment Fabien Lebrun, avec lequel je suis en contact privilégié, de m'avoir invité à participer à cette journée, et tout comme ils m'ont invité à participer au numéro 10 d'Illusio, donc voilà la magnifique couverture, pour un texte sur fantasmagorie, fantasme et idéologie. Alors, je resitue un petit peu, ce texte était déjà une tentative de reconstruire la manière dont Benjamin et Krakauer appréhendaient les fantasmagories, donc dans la lignée de mes travaux sur Benjamin, et aussi un peu sur Krakauer et Adorno, appréhender les pour la mettre à l'épreuve des fantasmagories du capital que nous connaissons aujourd'hui, ce que j'ai fait dans mes travaux ultérieurs. Et il ne s'agit pas d'un travail, comme tu disais, seulement d'exégèse, même s'il y a aussi ça. Et j'ai envie de citer une phrase, parce que ça m'a fait penser à une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup sur Benjamin, qui est Erving Wolfhart. Florent me corrigera si je la déforme, puisque là je l'ai en allemand, et du coup c'est une paraphrase en allemand à partir de ma mémoire un peu jet-laguée. Erving écrit: La philologie sans actualité est vaine, et l'actualité sans philologie est creuse. Et je trouve que c'est très important de retourner, de faire un détour par les textes pour pouvoir faire un retour à l'actualité. Et donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec mon travail sur les textes de Benjamin, Krakauer, Adorno, pour voir ce qu'on peut prendre là pour analyser nos propres idéologies, fantasmes contemporains. Et donc, tout phénomène que j'ai essayé d'englober dans le concept de fantasmagorie que j'ai voulu systématiser. Après notamment Benjamin et Krakauer. Au passage, j'ai le livre qui figure à gauche, Le Chiffonnier de Paris, je l'ai amené parce qu'il est sorti il y a quelques semaines. Moi, je l'ai eu en main seulement hier à cause de la distance, mais j'en ai amené quelques exemplaires ici. Malheureusement, j'aurais bien aimé en offrir aux collègues et amis qui sont présents, mais j'ai très peu d'exemplaires à hauteur. Et si on veut faire par exemple une candidature à l'EHSS, il faut déjà en envoyer trois, ce qui est quand même beaucoup, je trouve. Et donc je peux en donner gracieusement en échange d'une promesse de recension pour le fichier de Vrin, et sinon ils sont là en vente. C'est mon livre le moins cher, il est à 16 €. Donc aujourd'hui j'aimerais continuer ce travail sur les fantasmagories du capital avec un travail plus spécifique sur les fantasmagories de l'intérieur, quelque chose que j'avais laissé un peu de côté dans Fantasmagories du capital parce que c'était plutôt sur les espaces urbains et marchands. Donc, fantasmagorie de l'intérieur comme fantasmagorie du capital particulière. Je commencerai par une fantasmagorie moderne, l'intérieur bourgeois, sous Louis-Philippe, dans les années 1830-1840, avec Benjamin, sur les pas de Benjamin. Et je continuerai avec une fantasmagorie postmoderne, le penthouse du célibataire, notamment en m'inspirant des travaux de Béatrice Preciado, qui travaille là-dessus selon une démarche foucauldienne. que moi j'aimerais compléter par ma démarche, qui est plutôt une démarche donc benjaminienne. Je suivrai un plan à peu près équivalent pour les deux parties, pour faciliter la comparaison. Donc une première partie sur les masques du 19e ou du 20e siècle, et une deuxième partie sur Urgeschichte, c'est-à-dire histoire originaire, et Geschichte, l'histoire proprement dite, dans l'intérieur bourgeois et dans le penthouse du célibataire. Alors, par fantasmagorie moderne, j'entends ici une esthétique historicisante ou antiquisante qui accompagne la naissance du capitalisme industriel. C'est une esthétique très visible dans les expositions universelles ou certains passages parisiens étudiés par Benjamin au XIXe siècle, qui préfère exhiber des tissus orientaux, des colonnes grecques et des fontaines de verre représentant des scènes mythologiques, par exemple. Bref, de la pierre et du plâtre, plutôt que le fer et le verre qui forment la structure des bâtiments. Je m'appuierai sur Gideon, Siegfried Gideon, sur lequel Benjamin lui-même s'appuie. Dans tous les domaines, quelle qu'en ait été la nature, le XIXe siècle a revêtu de masques historicisants toutes ses innovations créatrices. En architecture, aussi bien que dans l'industrie ou dans la société, dès qu'il faisait des découvertes, il s'empressait d'étouffer ses constructions innovantes sous des décors de théâtre en pierre, comme s'il en avait eu peur. Le XIXe siècle est ainsi plein de masques historicisants qui culminent dans ce que Gideon appelle des synthèses prématurées. Par exemple, la Galerie d'Orléans, au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire des architectures surchargées d'ornements, étouffées par l'historicisme et lourdes d'un éclectisme anachronique. Gideon observe que les seules architectures qui n'ont pas vieilli sont celles qui n'ont pas de masque, celles où l'on voit la construction, comme par exemple les Halles Baltard. Ainsi, Gideon oppose deux choses. D'un côté, les masques historicisants, par exemple des façades en style antique. De l'autre, la construction nue, par exemple des structures de fer et de verre. Il en fait une opposition psychique, un peu comme si le collectif avait un corps. D'un côté, la conscience qui refoule l'histoire qui est en train de se passer pour se réfugier dans une histoire plus ancienne. De l'autre, l'inconscient produit par les matériaux les plus récents. Alors, il y a une thèse de Gideon en particulier qui frappe Benjamin, c'est celle-là. Au XIXe siècle, la construction joue le rôle de l'inconscient qui, extérieurement, continue de gagner en jouant le jeu du vieux pathos, tandis qu'en souterrain se constitue, à l'abri des façades, la base de notre être d'aujourd'hui. Alors là, il faut noter que la relation entre inconscient et conscient architectural, ombre et lumière, souterrain et façade, forme visionnaire de l'armature et pathos retardataire de la surface, demeure chez Gideon statique. Et Benjamin recopie cette thèse, mais il veut la radicaliser, selon les mots de Benjamin lui-même, dans son livre sur les passages. Celui-ci, Gideon, note Benjamin, dit que la construction joue au XIXe siècle le rôle de l'inconscient. Ne serait-il pas plus exact de dire qu'elle joue le rôle du processus corporel autour duquel les architectures artistiques viennent se poser, comme des rêves, autour de l'armature du processus physiologique. Benjamin fait ainsi passer la thèse de Gideon d'une relation statique à une relation dynamique. Si l'on pose qu'il y a l'inconscient architectural d'un côté, la forme visionnaire des constructions, l'armature pensée par les ingénieurs, et la conscience architecturale de l'autre, le pathos retardataire des façades, la surface imaginée par l'architecte, qu'il y aurait donc un inconscient et une conscience collective, un thème un peu dangereux et glissant, sur la pente duquel Adorno va toujours retenir Benjamin, un corps et un rêve collectif, alors il faut déterminer la relation entre l'un et l'autre, comme l'a fait Freud, par exemple, à propos du rêve. Or, cette relation, comme Benjamin le note à propos de la relation entre infrastructure économique et superstructure idéologique, est une relation d'expression, comme on le voit dans ces deux citations. Ainsi, lorsqu'il tente de réviser la théorie marxiste du reflet, Benjamin convoque à nouveau l'exemple du rêveur. La superstructure est une expression de l'infrastructure, de la même manière que le rêve est une expression du corps du rêveur. Mais cela implique que de l'armature à la surface, tout comme du corps au rêve, se glisse un ensemble de modifications, de déplacements et de condensations qui, comme dans le rêve, sont révélateurs du désir du sujet. Alors je vais tout de suite à une citation de Freud dans l'interprétation du rêve. L'élaboration psychique anormale, c'est-à-dire le rêve, le symptôme, l'hystérie, ce que Freud appelle l'élaboration secondaire, on va parler ici du niveau 2, d'un processus de pensée normal, c'est-à-dire l'élaboration primaire, le niveau 1, ne se produit que lorsque celui-ci est devenu le transfert d'un désir inconscient qui provient de l'infantile et se trouve dans le refoulement, Verdrängung, au niveau qu'on pourra dire ici 0, provisoirement. Autrement dit, il ne faut pas compter, comme le fait Gideon, deux éléments seulement, le contenu implicite du rêve, c'est-à-dire l'armature des ingénieurs qui reste dans l'ombre, et son contenu manifeste qui le cache, c'est-à-dire la façade des architectes exposée en pleine lumière. Comme si le contenu latent était un secret caché sous la surface. Il faut distinguer, suivant Freud, non pas deux éléments, mais trois. Trois éléments qui non pas se cachent les uns les autres, mais se trouvent finalement sur le même plan. La forme manifeste du rêve, que Freud voit issue d'un processus secondaire d'élaboration, sa pensée latente, élaborée avec les matériaux de la journée passée, de l'histoire récente, qui provient donc d'un processus primaire d'élaboration, et un désir inconscient qui se glisse entre les deux et que l'on peut retrouver par le jeu des signifiants. Ce désir inconscient se trouve en quelque sorte au degré zéro de l'élaboration du rêve, où il s'est trouvé constitutivement réprimé, ce que Freud rend sous le terme de « Urverdrängung », de « refoulement originaire ». Alors le niveau 0 se trouve, en fait, comme le niveau 1, dans la forme manifeste du rêve. Il surgit même du conflit, d'un conflit, ou d'une friction entre les deux, que j'ai cherché à figurer par la flèche. Alors que la question de Gideon aurait pu sembler un peu naïve, du type « quel est le noyau caché par le contenu manifeste de l'architecture, le souterrain caché par la surface ?», celle de Benjamin serait plutôt, sur les pas de Freud, « pourquoi le contenu latent du rêve collectif, l'armature, a-t-il été transposé dans de telles formes, les façades, et qu'est-ce que cela révèle d'un désir inconscient du collectif ?» Voici donc ce que les façades pourraient exprimer. Le désir profond, préhistorique, d'un corps collectif qui ne souffre plus et a atteint l'hébétude océanique, qu'on trouvera chez Benjamin sous le terme de Urgeschichte, histoire originaire. Une pensée latente qui se trouve entremêlée à des traumatismes historiques récents, donc la Geschichte, l'histoire proprement dite. Et une forme onirique rassurante, sans pensée désagréable pour le rêveur ou pour les rêveurs collectifs, dans les passages ou dans les grands magasins, la fantasmagorie proprement dite. Benjamin, lui-même, nous met clairement sur cette piste à propos de l'intérieur bourgeois. Voici ce qu'il écrit à propos de cette fantasmagorie. Là, je mobilise des éléments qui sont expliqués plus extensivement dans le livre Le Chiffonnier de Paris. Ce qui est difficile lorsqu'on conçoit l'habitat, c'est qu'il faut y reconnaître, d'une part, le caractère très ancien, ur-alt. Donc une combinaison avec ancien, alt, et ur qui signifie originaire. Voire même éternel, l'image du séjour humain dans le sein maternel, et d'autre part, par-delà ce motif historico-originaire, ur-geschichtlichen Motifs, et dans sa forme la plus extrême, un mode d'existence du XIXe siècle. Lorsque Benjamin interprète les fantasmagories de l'intérieur, il se met donc en quête de deux traits. D'une part, le trait supra-historique, très ancien, maternel, éternel, bref, l'ur-geschichte, l'histoire originaire, qui s'est logé dans un salon bourgeois. D'autre part, le trait historique qui renvoie au mode d'existence du XIXe siècle, la Geschichte, l'histoire proprement dite. L'Urgeschichte n'est pas tellement difficile à trouver dans ses notes. L'intérieur bourgeois, Benjamin voulait précisément faire une histoire originaire de la ville de Paris au XIXe siècle, c'était son projet. L'intérieur bourgeois veut explicitement refouler le monde historique extérieur, celui qui reflète la fonction économique et la position politique du commerçant sous Louis-Philippe, pour l'inviter dans un monde lointain, est meilleur. Et on voit bien comment la fantasmagorie de l'intérieur refoule à l'extérieur tout ce qui est du domaine économique, social et politique, y compris le fer, le verre et le gaz, au profit, par exemple, dans cet intérieur un peu cotonneux, moelleux, sous Louis-Philippe, au profit du velours, de l'étui et de la bougie, par exemple. Donc pour créer ce monde onirique sans aspérité. Mais alors, est-ce qu'on ne retomberait pas sur la coupure un peu trop nette que faisait Gideon entre le pathos retardataire de la conscience, ici l'intérieur, la vie fausse, et la forme visionnaire de l'inconscient, l'extérieur, la vraie vie. Autrement dit, comment Benjamin repère-t-il l'élément historique, le traumatisme de l'âme, dans l'intérieur bourgeois, et pas seulement à l'extérieur? Il le fait de deux manières. D'une part, en s'inspirant de Adolf Benn, mais aussi de Georg Simmel, sur la mode, il remarque que le choix du mobilier d'intérieur suit des logiques de distinction sociale, donc longtemps avant Bourdieu. Ainsi, le tapis d'Orient, posé là, ne témoigne pas seulement du désir originaire d'un monde lointain et meilleur suprahistorique, mais aussi d'une volonté d'imiter l'aristocratie et de se démarquer des classes populaires. Le tapis témoigne donc d'un conflit de classes cristallisé dans une logique de distinction. Mais Benjamin va plus loin encore, en s'inspirant là plutôt de Lukács. Il remarque que le tapis présente une isomorphie avec le mobilier féodal. Souvent placé en travers, le tapis de l'intérieur bourgeois semble en effet imiter la position des coursives, des ponts-levis, bref, de la structure défensive du château féodal. Le tapis, disposé en travers, trahit au fond que le bourgeois est un Spitzbürger, un bourgeois sur la défensive. Et de fait, pour Benjamin, le bourgeois, à ce moment-là, notamment la bourgeoisie commerçante sous Louis-Philippe, se tient sur ses gardes face à une monarchie qui continue à défendre ses droits et est prête à renverser la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, qui fait la part belle à la bourgeoisie commerçante. Mais il se tient aussi sur ses gardes face à un mouvement ouvrier qui commence à défendre ses droits, fomente révolution sur révolution pour les faire reconnaître et instaurer une république démocratique et sociale. Le tapis témoigne ainsi des deux traits qu'il faut, selon Benjamin, reconnaître lorsqu'on parle de l'habitat. L'Urgeschicht, l'histoire originaire, et la Geschicht, l'histoire proprement dite. La société sans classe, lointaine et meilleure, orientale et pleine de velours, et la société de classe qui oblige la bourgeoisie à se tenir sur ses gardes. Le tapis, qui figure aussi le seuil et le moment de transition entre l'espace public et l'espace privé, trahit ainsi une sorte d'homologie structurale avant la lettre, avec la position historique. La thèse de Weber sur le capitalisme se trouve ainsi à la fois vérifiée et nuancée. C'est que le capitalisme a besoin, jusque dans la sphère privée, d'un reste de magie, ici la Urgeschicht, pour accompagner sa naissance, avant d'affirmer, ou un reste de religiosité, avant d'affirmer sa rationalité instrumentale, la Geschicht, l'histoire proprement dite, en tant que telle, ce qui sera le cas dans les intérieurs fonctionnels, sans magie, modernistes des années 1930 par exemple, avec l'assignation des tâches pour chaque genre. Le tapis est ainsi le signe d'une transition entre le monde féodal et le capitalisme naissant, de l'inauguration d'un premier genre de capitalisme, un capitalisme encore protestant, patriarcal, sobre, sévère, comme on le voit dans l'analyse des grands magasins, mais qui a encore besoin d'un semblant de magie, qu'il s'agisse donc du protestantisme, des débuts de la réclame, de la magie des grands magasins ou de l'envoûtement d'intérieurs orientaux. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est mettre cette méthode à l'épreuve de l'analyse d'un intérieur postmoderne. Alors pourquoi postmoderne ? Je veux le préciser d'emblée, parce que je n'entends pas le terme au sens de Lyotard ici, du postmodernisme en littérature ou en philosophie. Je me réfère aux fantasmagories, enfin je l'oppose aux fantasmagories modernes. Les fantasmagories modernes, celles du XIXe siècle, refusaient implicitement, c'est-à-dire sans discours qui explicitait leur pratique, et de manière éclectique, c'est-à-dire sans organisation de leur imaginaire, univers de fer, de verre et de béton naissant. Par fantasmagorie post-moderne, j'entends, en suivant le sens original du terme en architecture, donc comme il s'est imposé à la fin des années 60, au début des années 70, le refus explicite, cette fois-ci, et systématique du fonctionnalisme et du rationalisme moderne ou moderniste. Alors, je prendrai deux exemples pour que ça soit clair. Lorsqu'il va dans les parcs d'attractions, dont le lieu de naissance était les premières expositions universelles, lieu des fantasmagories modernes, Walt Disney est choqué par leur éclectisme, leur chaos, leur côté inorganisé. C'est pourquoi il décide de créer un parc d'attractions qui soit un parc à thème. C'est-à-dire dont l'imaginaire suit certains thèmes, le monde de l'enfance, de la technique, etc. Et on retrouve cette organisation thématique de l'architecture dans les shopping malls, qui structurent leur espace dès le bâti, dès l'architecture, sur cet ensemble d'oppositions mythiques. Comme deuxième exemple de fantasmagorie postmoderne, je prendrai Las Vegas, qui revalorise un symbolisme de néon en bord de route pour effacer l'austérité fonctionnaliste des immeubles au fond, et dont Venturi et Scott Brown s'inspirent pour leur Learning from Las Vegas, que l'on tient bien souvent pour le manifeste de l'architecture postmoderne. Donc on peut donc considérer, comme j'ai proposé de le faire dans mon livre Fantasmagorie du Capital, d'où je tire ces images, Disneyland et Las Vegas comme exemplaires des fantasmagories postmodernes. Or justement, il existe un Disneyland pour adultes. Et il s'agit du magazine Playboy, qui, dès sa naissance en 1953 et jusqu'à son moment de gloire dans les années 1960, ne se contente pas de présenter des pin-ups pour les fantaisies masturbatrices des hommes, ici Kate Moss, mais façonne aussi un véritable intérieur comme espace de jeu de la réalisation des fantasmes. Par exemple, le bar visible à droite de la page. Et... Comment ? Non, je dis pas le poisson parce qu'il ne voyait pas le bar. Ah, non. Pas le poisson. Donc, c'est pour boire. Pour boire, oui. Et comme le dit le Time Magazine, un numéro du 1983, au bout du compte, Disney et Playboy sont tous deux des vendeurs de fantasmes. Playboy rend irréel de vraies femmes, Disney rend réel des aventures irréelles. Le manoir Playboy est un Disneyland pour adultes. Disneyland est un manoir Playboy pour enfants, avec la dimension infantile de Playboy, le magazine, et des intérieurs Playboy. Les appartements, penthouse, manoir et autres clubs Playboy ont aujourd'hui disparu, sauf, précisément, sur le strip de Las Vegas, sur la terrasse de l'Hôtel Palms. La Hugh Hefner Sky Villa, version Las Vegas du manoir Playboy, fait de l'intérieur Playboy un monument historique, témoignant de ce que, comme les monuments du tourisme mondialisé, disposés le long du strip, la tour Eiffel, la pyramide de Khéops, l'esthétique Playboy s'est intégrée au capitalisme global d'aujourd'hui. Ce sont deux indices qui nous mettent en tout cas sur la piste de l'intérieur Playboy comme exemplaire d'une fantasmagorie postmoderne. Un troisième indice nous est donné par Gideon, Siegfried Gideon précisément, dont nous avons vu dans une perspective benjaminienne qu'il pressentait souvent la logique des architectures fantasmagoriques, mais dont il fallait, suivant Benjamin, radicaliser les hypothèses. Alors je reprécise que cette piste, comme beaucoup d'autres sur Playboy, m'a été fournie par l'analyse revigorante de Béatrice Preciado dans son livre que je conseille qui s'appelle Pornotopie, sur Playboy et l'invention de la sexualité multimédia. Voici ce qu'écrit Gideon. Donc c'est dans la préface à son livre sur l'architecture moderne qui s'appelle « Espace, temps et architecture » qui date de 1962. L'architecture contemporaine est considérée comme une mode. Et comme l'a dit un architecte américain, de nombreux réalisateurs ont exploité la mode du style international pour se livrer à une débauche de romantisme. La mode de 1960, avec ses réminiscences du passé glanées au hasard, a malheureusement contaminé beaucoup de jeunes architectes. On en a vu alors partout les résultats, dans les collèges gothiques étriqués, dans les détails clinquants à l'intérieur ou à l'extérieur des immeubles, et ajoute Gideon un peu plus loin, avec une espèce d'intuition très forte, nous avons affaire à une sorte d'architecture Playboy. Gideon continue un peu plus loin, on conçoit l'architecture comme un Playboy conçoit la vie, vite blasé et courant d'une sensation à l'autre. Or Benjamin avait déjà, à propos du XIXe siècle, mis en avant le caractère sensationnel de la fantasmagorie. Pour lui, la fantasmagorie de l'oisif se caractérisait par la recherche des sensations procurées grâce à l'effet excitant du feuilleton, par exemple, qui transformait les personnages sociaux de Paris en personnages mythologiques. La bourgeoisie naissante voulait à tout prix injecter le poison du sensationnel à l'expérience de la grande ville. Le playboy, qui, selon Gideon, court sans cesse d'une sensation à une autre, semble bien la relève de l'oisif, chez Benjamin, c'est-à-dire la relève postmoderne des fantasmagories modernes. Alors, je reprends ce que Gideon écrit en 1962. Nous avons affaire à une sorte d'architecture Playboy. Cette année-là, la revue Playboy, forte de son succès, avait alors atteint le million de lecteurs depuis 1959, alors que c'était une petite revue qui n'était pas destinée à un tel succès, pour atteindre près de 6 millions de lecteurs à la fin des années 1960. Son inventeur, Hugh Hefner, recevait des personnalités chez lui pour une émission retransmise en direct à la télévision. On voyait alors un intérieur plutôt moderne, mais dont le modernisme était éclipsé par une débauche de glamour. Or, c'était justement les mêmes intérieurs et le même mobilier que l'on retrouvait dans les magazines. Hefner est bien celui qui a exploité la mode du style international, c'est-à-dire un modernisme devenu classique et solennel et non plus utopiste et fonctionnel, pour se livrer, finalement, à une débauche de romantisme. Et effectivement, l'intérieur Playboy fait exploser l'intérieur puritain bourgeois à la manière de l'architecture postmoderne théorisée par Venturi et Scott Brown et pratiquée par quelqu'un comme Charles Moore, par exemple. C'est-à-dire que l'intérieur Playboy se présentait comme l'opposé de l'intérieur protestant, bourgeois, austère et sec, tout en s'appuyant et en mobilisant des éléments de son modernisme. Ce que l'on peut résumer visuellement en trois images. L'intérieur de Sarah Bernhardt, c'est-à-dire un intérieur du 19e siècle, typique d'une fantasmagorie moderne. L'intérieur de Piscator, un intérieur moderniste du 20e siècle, qui est un fonctionnalisme anti-ornement et qu'on peut dire anti-fantasmagorique, dans le même esprit que Adolf Loos, par exemple, que saluait Benjamin. Et l'intérieur de Charles Moore, donc l'architecte que j'ai mentionné, qui est un intérieur anti-moderniste du XXe siècle, typique d'une fantasmagorie post-moderne. L'intérieur Playboy consiste en quelque sorte à faire pénétrer le velours du magazine, comme celui devant lequel pose Marilyn Monroe dans le premier numéro, dans l'espace du célibataire. Tout comme le salon bourgeois du XIXe siècle, l'intérieur Playboy est rempli d'étuis. Il est plein de beaux objets qu'on range dans des étuis en cuir. Jumelles, stéréos, appareils photographiques, réflexes, radio portable, pistolets. On marquera le côté un peu phallique aussi des objets qu'on peut mettre dans des étuis. Le cuir peut protéger ton verre de whisky, servir à garder tes glaçons au frais, t'asseoir confortablement, donc il y a une adresse au lecteur quand même, protéger ton fusil, bourrer ta pipe, garder tes pieds au sec, ton argent au frais. Les gens qui lisent Playboy, enfin, qui sont figurés dans Playboy, sont quand même de upper class, même s'ils sont destinés à la classe moyenne. Et ton pantalon à sa place. Ça, c'est l'humour Playboy typique de ces années-là. On trouve certes du mobilier moderne dans l'intérieur Playboy, mais toujours glamour, comme le mobilier design Knoll, Laverne, Dunbar ou Georges Tanier. De plus, il n'y a, dès les premiers intérieurs publiés en 1956, plus de portes d'une pièce à l'autre, comme on peut le voir dans cette reproduction d'un intérieur, et le regard et les corps peuvent circuler dans tout l'appartement avec fluidité. Circulation des fluides, des corps et des regards. On trouve aussi une sorte de lieu neutre au centre de l'espace, un peu comme ceux que l'on peut repérer dans les shopping malls. Là, je reprendrai le parallèle pour faire oublier qu'on est dans un lieu de consommation là, post-moderne. Je reprends le parallèle avec les fantasmagories post-modernes. Le shopping mall, les centres commerciaux organisés en espace thématique, contient généralement un espace non marchand censé déconnecter le visiteur de ses soucis quotidiens. C'est une œuvre d'art, comme celle que j'ai photographiée là à droite, c'était en 2012 à Berlin, des sortes de César, ou à gauche à Valparaiso, où il y a aussi quelques malls que j'ai été photographier, une œuvre d'art un peu similaire, avec une salle de jeu au milieu, ou là, encore à Valparaiso, carrément des tableaux sur chevalet, en bas du mall et au centre. Mais souvent, c'est un carrousel, ça c'est assez typique, ou encore un aquarium géant, un jardin, ou quelques animaux plus ou moins exotiques. Alors, lorsqu'on entre dans un intérieur Playboy en 1956, on tombe d'abord sur une entrée sombre où miroite un aquarium aux poissons de préférence exotiques, selon les conseils que prodigue Playboy à son lecteur. Et au centre du manoir Playboy de Chicago, un peu plus tard, au croquis publié dans un numéro des années 60, se trouve un lieu quasiment mythique, une grotte, avec une petite piscine décorée dans un style hawaïen. Dans le manoir Playboy West de Los Angeles en 1972, la grotte semble irradier à l'extérieur et s'étendre sur tout l'espace qui est là carrément devenu mythologique. Tout mobilier moderne a disparu et le style général s'inspire plutôt des périodes antérieures au XIXe siècle, en quelque sorte du pré-moderne pour le post-moderne. Le manoir de Hefner est ainsi une sorte de folise dotée d'un zoo exotique avec des animaux rares, mélange de Xanadu et de Graceland, où l'architecture semble s'animer, où l'artificiel devient naturel et où l'organique devient pierre. Le penthouse du célibataire ressemble par certains côtés à l'appartement d'une collectivité qui aurait instauré un communisme sexuel. C'est un peu l'idéologie de la revue. Dans les pages du magazine, cet intérieur, cet appartement Playboy, ou ce manoir, est présenté comme un refuge à l'époque des menaces atomiques, un lieu où compenser ses angoisses et un espace libre de divertissement sexuel. Dans le manoir de Hefner, les habitants, invités et employés, étaient encouragés à avoir des relations sexuelles entre eux. Le magazine, qui veut libérer l'homme du système patriarcal qui l'empêche d'avoir des aventures, prétend aussi libérer la femme. Et ce n'est pas la femme idéale, fantasmée, que l'on veut faire entrer, mais la girl next door, la femme commune, celle de la porte d'à côté, de tous les jours, invitée à assouvir ses désirs sexuels sans frein. Par exemple, pour les premiers numéros, la secrétaire du magazine. Le penthouse du célibataire prône donc une polysexualité sans centre, où les relations sociales restent horizontales et sans hiérarchie. Débarrassé des oripeaux du modernisme, le penthouse du célibataire, devenu manoir enchanté, serait ainsi le lieu d'une urgeschichte sexuelle, une histoire originaire fantasmée d'une sexualité libre et d'un communisme sexuel. Un phénomène qui est assez bien représenté et condensé dans le lit. Le lit, qui est au centre de la pièce, se veut rond, amovible et connecté, et de nombreuses personnes peuvent y prendre place. On peut y manger, y travailler et bien sûr y batifoler. Donc fusion de tout type d'activité, passion, travail, amour, amour libre, sentimentalisme, sexualité. C'est aussi un lit qui est aboli, peut-être comme anticipation du capitalisme, on va dire postmoderne, hein, rapidement, qui abolit la distinction, peut-être au contraire du tapis dans l'intérieur bourgeois, entre public et privé, entre travail et loisir, et qui abolit, là je prends un terme de Playboy, l'hétérosexualité rigide, tenue en laisse par la morale victorienne. Ça, c'est pour l'Urgeschichte, l'histoire originaire, ce communisme primitif, mythifié et fantasmé. Voyons maintenant la Geschichte, l'histoire proprement dite, qui n'est pas simplement refoulée à l'extérieur non plus sous la forme de la menace nucléaire, mais se retrouve dans l'élément du mobilier même qui voudrait le refouler, c'est-à-dire le lit. Ce lit rond, en l'occurrence, n'est pas le lit de tout le monde, et ce n'est pas seulement un refuge pour les divertissements sexuels de toutes les sortes imaginables. C'est avant tout le poste de surveillance historique d'un homme aux commandes qui domine la horde et qui s'accapare les meilleures femmes, en l'occurrence Hugh Hefner. Comme l'écrit Tom Wolfe, donc l'écrivain américain, dans un article sur Hugh Hefner est au centre de l'univers, son reflet se répète dès que le lit tourne, installé au centre d'un univers contrôlable, dont il est le seul monarque indéboulonnable. Et chose qui va même dégénérer, parce que là, je crois qu'il a plus de 90 ans, il a toujours 7 ou 8 femmes à sa disposition, qui ont bien sûr entre 20 et 30 ans, donc c'est encore le chef ou le roi d'un harem. Donc au sens, là j'utilise le mot horde, au sens qu'on pourrait dire primitif, mais qui est plutôt une projection des institutions, des relations de domination modernes sur des sociétés dites primitives. Donc ce lit est finalement un panoptique électronique, d'où Hefner peut, grâce aux caméras postées partout dans la maison, surveiller les entrées et venues. Il peut aussi enregistrer et filmer les conversations et les ébats, qu'il peut diffuser ou non s'il le souhaite. Il s'agit donc d'un poste de gestion de l'information par une seule personne. La prétendue horizontalité des rapports sociaux cache une verticalité qui n'est pas primitive, finalement, le chef de horde, mais bien historique. Contre l'hétérosexualité rigide, comme dit Playboy, de la morale victorienne, Hefner n'oppose pas l'homosexualité ou la bisexualité fluide d'un communisme sexuel, mais bien une nouvelle hétérosexualité historique, qu'on pourrait dire l'hétérosexualité saine, entre guillemets, de l'homme blanc, hétérosexuel et upper class. La girl next door ne correspond pas dans ce cadre à la libération du désir féminin, mais à la production d'un nouveau sujet féminin au service d'un nouveau masculinisme libertin et polygame. Bon, en conclusion, il est possible que le lit amovible de Hefner soit aussi le signe de quelque chose de plus profond, un peu comme le tapis analysé par Walter Benjamin. Peut-être, là ce sont des hypothèses un peu pour ce travail que j'ai commencé en fait il y a un an, mais que je n'ai pas repris pour l'instant, pris par d'autres projets. Je ne sais pas si je le mènerai à terme pour l'instant. Mais donc, parmi ces hypothèses, on peut considérer que ce lit est le signe d'une transition entre deux types de capitalisme, là aussi. Le capitalisme patriarcal, austère et protestant, contre lequel le playboy est en guerre parce qu'il contient sa libido, et un nouveau capitalisme hédoniste et artiste, que le playboy n'avait peut-être pas prévu, mais avec lequel Hefner s'accommode parfaitement. Donc c'est le cas d'une affinité élective, pas forcément prévue, mais qui fonctionne parfaitement et qui permet à la fois au playboy de se valoriser dans le marché des produits culturels et en même temps au capitalisme de se renouveler pour capter les désirs dans sa propre dans le but de vendre ses marchandises. Le lit amovible ou king size, le canapé qui se replie et l'intérieur modulable, transformable en pièce de travail ou en bordel, une chose qu'avait vu en passant aussi Baudrillard, le canapé qui se replie est modulable, pas le bordel, et peut-être le signe de la transition entre un capitalisme qui réprimait la sexualité, Freud, et un capitalisme qui produit différents types de modèles sexuels, plutôt à la manière analysée par Foucault, sans pour autant cesser d'être normatif. Il pourrait tout aussi bien être le signe du passage entre un capitalisme austère, qui assigne une fonction à chaque espace, sépare le public du privé et le sérieux du jeu, capitalisme qu'on pourrait dire de type fordiste, et un capitalisme artiste, pour reprendre le terme à Boltanski et Schiapello, qui abolit l'unifonctionnalité des espaces, la frontière entre le public et le privé, et celle entre le travail et le loisir. Autre hypothèse en guise de conclusion, comparée au monde des mille et une nuits figuré par les fantasmagories de l'intérieur moderne, les fantasmagories de l'intérieur post-moderne pourraient bien être le signe d'une opération généralisée de désublimation répressive, telle qu'analysée par Marcuse et exemplifiée par Playboy. Dans les premiers numéros, en effet, une culture moderniste, des écrivains d'avant-garde comme Ray Bradbury, des dessinateurs de bandes dessinées underground, des musiciens de jazz participent. Tout cet univers moderniste et de culture d'avant-garde côtoyait, de manière qui nous semble peut-être étrange aujourd'hui, les pin-up. Sans que l'on sache bien s'il s'agissait d'un alibi ou si cela participait bien de la culture du Playboy, Cette association semblait en tout cas nécessaire, et c'est pour ça que ça marchait. En tout cas, aujourd'hui, les pin-ups sont restés dans des poses de plus en plus hétérosuggestives, et les pages culturelles ont disparu, y compris les blagues. Peut-être que dans les années 1950, le capitalisme fordiste et moderniste avait besoin d'une culture hédoniste et individualiste, du type de celle de Playboy, pour se renouveler. De même que la culture Playboy avait besoin de s'appuyer sur la culture moderniste pour trouver sa légitimité culturelle. Ce serait alors le cas, peut-être, d'une affinité élective, au sens weberien du terme, entre deux formes culturelles, ici le modernisme et l'hédonisme, qui n'aura duré que pendant les années 1950, avant de laisser la place à un hédonisme de plus en plus narcissique. L'évolution de Playboy, et je conclurai là-dessus, serait alors le symptôme et l'instrument d'une transformation du capitalisme moderne en un capitalisme postmoderne. Voilà. Merci.